Nous qu'a travaillé toute la semaine, pas ni temps pour nous, ouais, nous. Moi pour nous tchèmbes, pour faire l'amour. Ni des jours moins qu'à rêver, ni des jours moins qu'à planer. C'est là où tchèmbes, moins qu'à rêver, c'est moins.